Dialogue, des souvenirs de vacances. Écoutez. Ce sont les photos que tu as prises au ski. Oui, il y en a qui ne sont pas mal. Mais tu sais, je suis beaucoup moins fort que toi. Montre. Qui est sur la luge avec Benoît? C'est mon petit neveu. Il a 6 mois de moins que Benoît, mais il est plus grand que lui. Je vois que vous avez eu beau temps. Oui, un très beau temps. Bien meilleur que l'année dernière, où il avait neigé tout le temps. Il y avait beaucoup de neige? Moins que l'année dernière. La saison était plus avancée. L'an dernier, vous étiez à Morzine. Vous avez préféré l'Alpe d'Huez? C'est plus haut, et le domaine skiable est beaucoup plus étendu. Mais Morzine est une station plus familiale. Répétez. Ce sont les photos que tu as prises au ski? Oui, il y en a qui ne sont pas mal. Mais tu sais, je suis beaucoup moins fort que toi. Montre. Qui est sur la luge avec Benoît? C'est mon petit neveu. Il a 6 mois de moins que Benoît, mais il est plus grand que lui. Je vois que vous avez eu beau temps. Oui, un très beau temps. Bien meilleur que l'année dernière, où il avait neigé tout le temps. Il y avait beaucoup de neige. Moins que l'année dernière. La saison était plus avancée. L'an dernier, vous étiez à Morzine. Vous avez préféré l'Alpe d'Huez. C'est plus haut, et le domaine skiable est beaucoup plus étendu. Mais Morzine est une station plus familiale.